frère s'avance devant toi. Deux offrandes montent vers le ciel. L'une est portée par la foi du cœur, l'autre par un feu plus charnel. Et la jalousie ronge l'âme de celui qui n'a pas donné par amour. Le péché frappe à la porte du cœur, mais l'homme ne choisit pas le secours. Le mal commence dans le regard avant de couler dans les mains. Le sang de mon frère crie de la terre, et tu entends même ce que l'homme veut taire. Mais même face au meurtre et à la colère, ta justice garde encore. Confronte Cain dans sa fuite. Tu marques son front de ta main pour que la vengeance ne détruise pas ce qu'il reste en toi.